Racontons-nous, rugby à 15. En restant dans rugby à 15, bien sûr, on va parler de la Fédérale 2. Pour le 4, c'est reparti, on va dire, dans le championnat, on va dire, normal, hein, au niveau des journées. Par contre, il y avait des journées de rattrapage. Et il y avait un match qui s'est joué du côté de Nice. Hier, Carquerane se déplaçait à Nice. Là aussi, Jean-Yves, une victoire, on va dire, des Hierrois Carquerani, qui est de 25 à 22. Est-ce que ça, c'est une surprise? Non, c'est pas une surprise. Pour le classement après, parce que. Alors, c'est pas une surprise au vu de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Quand on voit les prestations de Hierrois Carquerani depuis le début de la saison, c'est loin d'être une surprise, cette victoire à Nice. Cette victoire fait du bien. On va rester chauvin, on va rester dans le supporter de Bédarrid que nous sommes. Cette victoire fait du bien à la SBC parce qu'elle permet à Hierrois Carquerani de consolider sa première place et d'empêcher les Niçois de venir chipper la troisième place ou même la deuxième place la troisième place au Bédarrid. Donc cette victoire varoise en terre niçoise fait plus que du bien. Maintenant, il va falloir quand même faire très très très attention parce que le championnat s'est densifié avec maintenant deux équipes à 34 points, une à 33. Il semble que Voiron, Tricastin, Saint-Raph et Montélimar soient complètement distancés. Ils ne reviendront plus. Mais par contre, il reste encore cinq équipes capables de rentrer dans les quatre, on va dire. Ça va être la fin du championnat, Fred. Là aussi, va être plutôt terrible. Voilà. Le déplacement à Saint-Raphaël va nous donner un petit peu de la lumière dimanche prochain. Voir un petit peu si l'ASBC est soigné. Le déplacement de Saint-Raph le week-end prochain va être importantissime parce que non seulement il faut gagner à Saint-Raph, mais essayer de piquer un point de bonus, quoi, parce que, encore une fois, ces points de bonus-là sont importants. Et une victoire à Saint-Raph ferait du bien, vraiment du bien à tout le monde. On n'en est pas là, malheureusement, quand on connaît l'état dans lequel on a laissé les Bédarrid il y a quelques semaines. On espère que cette trêve aura fait du bien à tout le monde, aura permis de resserrer les boulons, aura permis de remettre un petit peu de l'ordre dans la maison. Et pourquoi pas aller essayer d'aller chercher une victoire à Saint-Raph, qui ferait, encore une fois, une bien terrible. Allez, on va parler un petit peu de la Fédérale 3, on va parler de cette poule 9. Il y avait ce match en retard, Rhône 15 accueillait les Angles qui ne sont pas arrivés à gagner du côté de Rhône 15, c'est bien dommage. Ils ont failli, ils étaient au contact jusqu'à 5-10 minutes de la fin, et puis ils se sont écroulés, ils ont encaissé des points bêtes apparemment en toute fin de match. C'est dommage parce que les Angles auraient pu ramener une jolie victoire de Rhône 15 et qui leur aurait permis de passer devant au classement. Là, non seulement ils n'ont pas ramené de victoire, mais en plus ils n'ont même pas réussi à prendre le point de bonus. Ouais, le point de bonus, ça les remettait à 36 points à égalité de match avec Rhône 15, sachant que Rhône 15 a un match en moins, Fred, puisqu'ils n'ont disputé que 13 matchs, alors que toutes les autres équipes, à part Beaurepaire, en ont disputé 14. Voilà, on voit très bien quel match qui va se jouer entre Beaurepaire et Rhône 15. On va passer les résultats du championnat PACA avec Marie qui nous donne les résultats à la volée de toutes les divisions. On commence par la division d'honneur. Alors, le Beaussais Uzès 9-23, le Mourillon Saint-Saturnin 14-16, Sisteron RC Draguignan 10-8, Monteux Saint-Laurentin 34-15, Valréas Foss Istres 45, Salon de Provence Monaco 29-21. Monteux est premier et Valréas se retrouve 7e sur 12. Voilà, on est très heureux ce soir de recevoir. On va faire juste une pause. Peut-être Marie, on continue avec les résultats juste avant. Provence, première série. Restons dans le rugby encore. Alors, Sorgues-Renouvèze contre Tarascon, 8-13. Penn-Mirabeau, Vauvert, 15-3. Orange-Digne, 17-31. Gignac-Marignane, Gap, 20-14. Penn-Mirabeau est premier. Sorgues-Renouvèze, ils sont troisième et sixième. Pernes-Orange, septième. Ensuite, la deuxième série, Plan d'Orgon-Gardanne, 31-22, Miramas-Uvonne-Marseille, 0-17, Vidourle-Huchot, 23-17, Bolène-Oraison-Fort-Calquier, 59-0. C'est Plan d'Orgon qui est premier, Bolène quatrième et Vaison cinquième sur 9. Voilà, peut-être un résultat en troisième et quatrième série. Marie, j'avais oublié, nos amis Pernois qui jouaient. Et Pertuis également, Graveson-Pertuis, 19-10. Montfaucon-Gémenos 0-25, Tarascon-Manosque 3-29, Saint-Andiol, Pont-Saint-Esprit, 25-17. Et enfin, Pernes-Saint-Rémy, 8-26. Saint-Rémy est premier. Pertuis se retrouve 7e et Pernes 8e sur 10. Merci Marie. Alors on fait une petite pause juste avant de continuer les résultats. Avec nous, Eric Fagot, qui on va découvrir tout à l'heure le club de Carpentras, si je ne me trompe. Bonsoir Eric. Bonsoir, oui, je suis du club d'athlétisme de Carpentras. Je suis le président, aussi coach. Voilà. Oui, parce qu'Eric Fagot, juste si vous vous souvenez, pour les personnes qui ont un petit peu de nostalgie, qui ont un petit peu de mémoire, c'était un super coureur de 800 mètres, hein, puisqu'il a participé plusieurs fois au championnat de France. Sur piste, est-ce que je me suis trompé, Eric ? Non, non, c'est ça même. J'ai eu deux sélections en équipe de France aussi. C'est entre les années 80 et 90, donc c'est vieux. Ouais, non, non, mais on se souvient. Moi, je me souviens de cette foulée, et je regardais sur les images de France 2 et ta participation. Merci. Didier, juste deux mots juste avant, après on va se retrouver avec bien sûr Eric. Pour moi c'est un honneur puisque quand je suis arrivé en terre vauclusienne en 89, je connaissais Eric de réputation. Je savais qu'il avait des sélections, stage avec l'équipe de France pour, en tant que coureur de 800, finaliste donc au France plusieurs fois sur cette distance. Puis après, au moment que je suis arrivé, je sais que Bernard Brun l'avait repris. Et ensuite, j'ai suivi à la fois pas que la carrière, mais aussi la présence de l'homme sur le terrain. Et de la présence de l'homme sur le terrain avec à gérer différents athlètes, ce qui n'est pas toujours évident. Ça part des petits jusqu'au grand, et gérer bien les coureurs de demi-fond, le cross et tout ça, ça demande beaucoup de temps sur le terrain. J'espère beaucoup d'investissement personnel. Voilà, j'espère que vous allez rester nombreux parce que juste après, bien sûr, après, on va dire, on va essayer de tous ces résultats. Nous reviendrons avec Eric Fagot, nous parlerons bien sûr de sa carrière, mais surtout de son engouement pour ce club de Carpentras, puisqu'il a décidé d'en être le président, d'être à l'honneur ce soir dans cette émission, et surtout le travail qu'il fait, vous verrez, un travail qui est récompensé par un jeune, peut-être prodige, futur grand coureur à pied, on le saura dans les années qui viendront, mais pour l'instant, il est en train tout doucement de grandir. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans une trentaine de minutes, à suite. Top chrono, basket. On revient, Jean-Yves, avec le basket dans Sonal 1. On va parler bien sûr du SAP Avignon-Sorgues en déplacement du côté de Saint-Vallier. Pas tout s'est très bien passé, mais on va dire que cette fois-ci, ils se sont mis le feu pour la suite du championnat. Tout s'est même particulièrement mal passé parce que les Avignonnais, les Sorgues Avignonnais se sont... ont vécu une soirée cauchemardesque, Fred. Et puisque, Marie qui nous disait tout à l'heure, ils ont coulé à Saint-Vallier, c'est peut-être vrai. Hein. Ouais, ils ont coulé et coulé bien comme il faut en plus, hein, puisque Avignon a été défait, le SAP a été défait à Saint-Vallier sur le score de 88-61. Cette victoire fait mal, très très mal, puisque ça casse un petit peu la dynamique qui avait été insufflée là, depuis l'arrivée de François Sens. Et puis surtout au classement, Fred, cette victoire-là, elle est très dérangeante, puisque elle remet le SAP à la dernière place, si on accepte le centre fédéral qui ne descendra pas. Elle remet le SAP à la dernière place avec 35 points, juste avec le même nombre de points que leurs futurs adversaires Angers, Lorient, Rennes, Vitré. Voilà, c'est à 9 journées de la fin du championnat, ça commence à être compliqué, quoi. Écoute, ça va être très très très compliqué. Encore une fois, hein, on l'a dit la semaine dernière, on va le répéter toutes les semaines jusqu'à la fin, mais c'est pas la période depuis le mois de janvier qui est problématique. Tu peux avoir une défaite en déplacement, tu peux avoir une défaite à l'extérieur, c'est pas le problème. Le problème, c'est toutes les défaites en bois que le SAP a encaissé dans sa salle à Avignon pendant la première partie du championnat. C'est celle-là aujourd'hui qui pèse. Il y a aussi un problème de classement de Golavérage, ouais, de Paniavérage, on appelle ça. Voilà, c'est problématique. Alors, la chance qu'a le SAP aujourd'hui, c'est que le championnat est relativement dense, puisque entre la 7e place Tarbes-Lourdes et la 17e, le SAP, il n'y a jamais que 4 points d'écart. Samedi sera peut-être un match capital pour cette équipe. Samedi, c'est un match plus que capital, puisque le SAP reçoit Angers. Angers qui est juste devant au classement. Une victoire face à Angers ne sauverait pas les Avignonnais, loin de là, mais en tout cas permettrait de respirer un petit peu et puis d'avoir quelqu'un derrière, parce que là, pour le moment, il n'y a personne derrière. Alors, on va voir si Marie va nous donner les résultats de la 25e journée de National 1 du basket. pour voir un petit peu confier leur futur adversaire du SAP Avignon, qui se jouera bien sûr à la plaine sportive de Sorgues samedi soir.